la 6e exposition nationale de 206 espèces d'articles d'usage domestique a été inaugurée le 25 dans la salle d'exposition des articles de consommation courante près le ministère de l'Industrie alimentaire et des articles d'usage courant à Pyongyang. À la cérémonie inaugurale étaient présents des cadres concernés, exposants et techniciens. Ils sont exposés plus de 3000 articles de plus de 350 espèces produits par les ministères, établissements centraux et directions provinciales de l'industrie locale.